T'es-tu déjà senti enragé en hostie, prêt à exploser, tout envoyer promener? T'es-tu déjà senti, tu t'es fait fourrer, tu t'es fait avoir, t'es enragé noir? T'es-tu déjà senti qu'on se moque de toi, qu'on te rit en pleine face, puis que t'arrives pas à t'en sortir? T'es-tu déjà senti les doigts engourdis, à trop pitonner sur une manette usée? Moi, je teste des jeux rétro. Je vous jure qu'ils ont plein défauts. C'en est rigolo. Iris et ça me fait chier. Tellement c'est mal créé. Peux-tu bien me dire à quoi ils ont pensé en créant cette merde-là? Iris et ça me fait chier. Tellement c'est mal créé. Peux-tu bien me dire à quoi ils ont pensé en créant cette merde-là?